J'ai le regard du pingouin la nuit, le côté obscur de Bruce Wayne. J'déboule seul, pas douceur. Mon frère compris des grosses peines. J'suis pas dans le top 10. Le mal doucement m'entraîne. J'm'enferme plus, le temps passe. Moi j'vois qu'on s'entraide. J'compte plus de centraide. Reste au rack des cadavres sans tête. Oui, j'm'endette puis j'm'embête. J'roule mon dernier pet qui voudra me tenir tête. J'égorge comme Highlander. L'obscurité prend de l'ampleur. Donc j'fais crier le sang pleure. Des sanglots, des flaques de sang touche animés par la peur. Blablateur, mythe, déco. J'veux être une légende comme Figo. Fou d'avoir rien dans le frigo. J'prends des risques comme un torero. J'fume du bon dos, les rois. Avec les chevilles, j'fais des rodéos. Pour tous mes banderos, casquette en guise de sombrero. Les schlags ressentent les héros. Comment pas faire des euros? En avoir pour être heureux. J'ai le regard ténébreux. Me parle pas d'amour, bitch. Regarde ta chatte, pas tes yeux. Où j'tard, j'mange des pâtes, des œufs. Costaud comme le frérot tes œufs. Faut que les poucaves se taisent. Faut qu'ils finissent sans prothèse. Donc j'protège les miens. Comme les miens me protègent dans la tête. Trop de projets, que ça soit légal ou illégal. J'suis devant, j'en décrochais. Si t'es pas réglo dans les bails, on voit, on fume jusqu'à être die. Mes soldats méritent une médaille. J'ai que les sangs sur la pierre de Nike. Tête écrasée sur la dalle. V de vrai et peu banal. J'te nique avec la banane. J'viens de la banlieue, pas de Paname. C'est chaud, quoi, y'a pas la maille. J'rêve du soleil de Panama. Voir un bête de panorama. La cité rend fou. J'compte plus les frères, parents en bas. Faut qu'on se barre en bas d'ici. Barrette emballée pour les chics. Les boys coltent le shield. Pendant qu'on tape, tu suces des chips. Tu veux la garmer face à nous. Ton équipe dessine. On n'est pas dans une bonne dessinée. C'est la merde qui la décide. Augmente les décibels quand tu te fais sucer par une grosse chienne. Elle vaut de l'or, cette pute. Elle bouffe les couilles comme une golden. J'te prépare un cocktail. Tu vas chanter ta gospel. Mauvais présage, ressens les signes. J'décris ma vie à langue de Chine. La T6 c'est peu docile. On fait les gros yeux. Ta rosy, les tarot shit. Grimpe avec l'époque. Fuck les cops, j'vise les tocs. J'veux que les billets remplissent le box. Ne croisez pas le bronze. Mais cette box, on rappelle pas un manouche fiston. Technique pression du piton. J'pars à la Chine, t'es dépité. J'veux des billets, quitter le pavé, multiplier ma rentabilité, mon bénéfice, la journée t'as joué, t'as perdu, viens pas pleurer sur mon épaule. En mandat de dépôt, la juge relie ma dépôt. Elle me dit que j'ai toujours à moi, je lui dis j'ai refait la déco. T'as joué, t'as perdu, viens pas pleurer sur mon épaule. En mandat de dépôt, la juge relie ma dépôt. Elle me dit que j'ai toujours à moi, je lui dis j'ai refait la déco, gros. V de vrai, le véridique. Boycotter toute ma clique. Si, 93, 94.